si quelqu'un a un problème qui lui dérange, quand mon dernier est au milieu du sang, et dans son problème, doit appliquer, mettre le genou, implorer la grâce du Seigneur afin que Dieu lui soit favorable. Et qu'on se réjouisse ensemble, la prochaine fois, il viendra donner ce témoignage, nous allons chanter des vrais cantiques. Des cantiques qui viennent du fond du cœur. D'accord? D'accord, Gardien? 44. Chez ton cantique, je donne ton cantique. Ça chante quoi? Ils ont compris. Je donne mon cantique. 44. Il donne un cantique. Je fais un bon cantique. On a chanté à Dieu soit la gloire. Au nom du Seigneur Jésus, je fais un cantique qui me suit. Un bon cantique. Par rapport à ce qu'on a entendu, c'est la gloire au Seigneur. On va le chanter. Cantique sans Ça chante quoi? J'ai longtemps pleuré sans Dieu. J'ai longtemps pleuré sans Dieu. Avancez. C'est bon pour chanter, chanter. Nous sommes à la page. J'ai longtemps erré sans guide, à aimer de vrai bonheur. Mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort. Un sauveur, Jésus lui-même, eut pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Ô Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don de ce pardon qu'il m'apportait. J'ai livré sans résistance tout mon cœur, il le voulait. Ô Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Dans mon cœur impur, infirme, j'ai reçu le Saint-Esprit et ses sceaux divers m'affirment que je suis en Jésus-Christ. Ô Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur. De joie en joyeux, mon sauveur.

ce sont qui me affirment que je suis à Jésus-Christ. Ô Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mort et du comble mon attente par le don d'un cœur. Je m'en sauveur me fait marcher, car la paix que Christ m'envoie, nul ne peut me l'arracher. Ah, c'est Jésus qui me donne.